bien le bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne, avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir d'être là à chaque semaine, surtout lorsque j'ai des semaines où j'ai de la très bonne musique à vous proposer, comme cette semaine, entre autres du Joseph Edgar, Joanie Benoit, Quiet Parade, j'ai aussi Christine Saint-Pierre, c'est l'album de la semaine, La Promesse, excellent album. Il y aura aussi au menu du Christine Tassan et les Imposteurs, du ZPN, Vairo, ça c'est de la Saskatchewan, une nouveauté à vous proposer, et du Alexis Normand, Edmond Dufort et bien d'autres. Donc reste là, je vous reviens dans quelques secondes avec le début de l'émission Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes. Et comme à l'habitude, permettez-moi le temps de remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CKGM chez Tican, WFM 98 Halifax, CIFAB B Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, de la région de Barrie, en Ontario. Il y a Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg au Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, et CIVR, Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, mes contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Voilà. Eh bien, allons-y avec le début de l'émission. Bien sûr, le bloc des Maritimes. Et on va commencer ça avec Joseph Edgar, ça va très bien ses affaires à Joseph Edgar depuis qu'il est rendu à Montréal. Ce mois-ci, au mois de mars, il se retrouve le 20 en Croatie, le 22 au Kosovo, le 23 mars à Berne en Suisse et à Genève le 24 mars. Donc ça va très bien, on va entendre une très bonne pièce. Tout ce que j'ai pu dire de M. Joseph Edgar. Autre artiste acadien que j'adore énormément, tout simplement la charmante Joanie Benoit qui va sortir son deuxième album. Je pense à la mi-avril que ça devrait sortir. Donc, on va entendre « Les 100 pas » dans quelques instants. Très bonne chanson. Mais juste avant, voici mon bon ami Joseph Edgar. « Tout ce que j'ai pu dire ». Je disais que je vous aimais, je ne disais pas juste pour le dire. Je vous le jure que je le croyais comme un capitaine en son navire. Mais malgré le mal de mer, malgré les vents d'enfer, malgré les misères, malgré les délires, vous pouvez croire. Ce que j'ai pu vous dire. Quand je disais que nos amours brillaient aussi fort que les astres, je vous le jure que j'étais sûr que je ne changerais jamais de place. explosions malgré les ouragans. Malgré les confusions débiles de nos rires, reste que notre histoire n'était pas si pire. Il reste que notre histoire n'était pas si pire. Vous pouvez croire en tout ce que j'ai pu dire. Vous pouvez croire en tout ce que j'ai pu dire. Vous pouvez croire en tout ce que j'ai pu dire. Vous pouvez croire en tout ce que j'ai pu dire. Et quand le jour arrivera que je serai sous mon lit de mort, mes yeux tourneront vers la fenêtre pour fixer l'horizon encore. Malgré tous les regrets et les moments imparfaits, malgré l'époque qui claquait, je garderai les bons souvenirs. Et vous pourrez croire en tout ce que j'ai pu dire. Et vous pourrez croire en tout ce que j'ai pu vous dire. Et vous pourrez croire en tout ce que j'ai pu dire. Et vous pourrez croire en tout ce que j'ai pu vous dire. Et vous pourrez croire en tout ce que j'ai pu dire. Contraste de minuit, je flotte en parallèle, en cherchant mon vrai paradis. Les hauts et les bas, une marche à la fois, vers les rêves où je me vois m'envoler beaucoup plus haut. Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas? Et perdu mon temps à douter de moi. Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas? Et perdu mon temps en faisant chaque fois les 100 pas, les 100 pas. Les hauts après les bas, plus haut à chaque fois. M'abandonne à ma folie et les mots se chevauchent pour redessiner l'infini. J'avance pas à pas et mon cœur se déploie. Enfin, je laisse ma voix s'envoler beaucoup plus haut. Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas? Et perdu mon temps à douter de moi. Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas? Et perdu mon temps à faisant chaque fois. Plus haut après les bas, plus haut à chaque fois. Pourquoi j'ai tellement D'autres artistes qui sont en préparation de bons produits qu'on va faire tourner ici à Canrock, c'est sûr. Il y a M. Raphaël Buckler de son petit EP, Je file comme une machine. On va entendre la chanson Ma douce, restée au Canada. Mais lui aussi, au mois d'avril, début avril, il devrait nous sortir un nouvel album, un album complet cette fois-ci. Donc, j'ai bien hâte d'entendre ça. Et durement qu'on aura le premier extrait, ça nous fera plaisir de le faire tourner à Canrock. Mais pour l'instant, on va y aller avec Ma douce, restée au Canada. Je vous parlais d'un petit groupe qui a fait un petit EP de 4 chansons en Nouvelle-Écosse, à Halifax plus précisément. Eh bien, Quiet Parade ou Quiet Parade, eux, on va entendre la pièce « Tout mon temps » qui est tirée de ce petit EP-là. Il faut aller encourager ces jeunes-là à Halifax. C'est vraiment important. Par la suite, on va entendre tout simplement Émilie Landry et « Embrasse un miroir ». Ça fait un bout que je travaille plus, je voyage le monde un peu perdu, en me demandant si je fais la bonne affaire ou si j'avance par en arrière. J'ai plus de cash depuis un bout. Je passe mes fins de soirée dans le doute, en me posant toutes sortes de questions. C'en est rendu une addiction. Puis dans tout ça, moi je pense à toi, ma douce, restée au Canada. Puis dans tout ça, moi je pense à toi. M'attends-tu toujours dans le fret du Canada? Des fois je me trouve juste un peu con d'avoir besoin de partir si loin, comme s'il fallait voyager pour être certain d'exister. Même si j'aime faire le touriste, à tous les jours une nouvelle piste. La connais pas plus sur la vie, car je me couche tout seul dans mon petit lit. Ah, attends-moi. Attends-moi. fréquenter. Une voix me tourmente tous les soirs. Elle chante des chansons froides. Dans les yeux qui me font voir du noir, fais-toi l'amour faisant acte de présence. Et si tu veux, je peux partir. J'ai laissé ce que tu désires. Ah, je sais ce que tu désires. Je sais que tu t'aimes bien. Embrasse un miroir, perds-toi dans les yeux qui me font broyer du noir. Fais-toi l'amour en grand solitaire, au centre de l'univers. Je sais que tu t'aimes bien. Embrasse un miroir, perds-toi dans les yeux qui me font broyer du noir. Fais-toi l'amour en grand solitaire, au centre de l'univers. Voilà, Émilie Landry de la région, si je ne me trompe pas, de Moncton ou de Bouctouche. Et elle a fait le trajet, là, hein, accro de la chanson, gala de chanson de Caraquette. Je pense qu'elle a fait aussi Granby, ma première place des arts, je ne me trompe pas. Donc, ça va très bien pour elle. Et elle a fait de l'excellente musique francophone. Donc, très, très content de l'encourager comme ça. Et je pense qu'elle travaille déjà à l'écriture de nouvelles chansons. Donc, à suivre, bien sûr. Faites ça sur tout simplement Facebook, Émilie Landry. Allez voir ça, allez l'encourager. C'est une jeune auteure-compositrice, interprète qui a beaucoup de talent. Parlant de auteure-compositrice, interprète qui a beaucoup de talent, des Îles de la Madeleine, c'est Brigitte Leblanc qui, j'ai appris cette semaine, qu'elle fera partie le 5 juin prochain de l'enregistrement Pour l'amour du country, édition 2018. Et ils vont fêter ses 35 ans de vie artistique quand même, avec plusieurs surprises. Donc, elle est revenue au pays. Elle a beaucoup de télé et radio à faire, beaucoup de spectacles. Et au mois de juin, on célébrera ses 35 ans de carrière. Il me semble que c'est hier que je recevais son premier album. On va terminer notre bloc des maritimes avec tout simplement Gitane du Nord. Voici Brigitte Leblanc. Je suis trop grand comme l'océan, un cœur trop doux comme l'amadou, une voix qui porte dans le vent, des mains qui tremblent loin de chez nous. J'ai pris le bateau de l'exil, une poignée de sable dans mes bagages, et les mondes des chansons fragiles pour me protéger du voyage. Gitane du Nord et de la mer, fille des îles sous le vent, étoile d'une nuit éphémère, je chante ma vie à 100%. Gitane du Nord, je reviendrai danser sur les quais de mon île. Comme une femme, je chanterai l'hymne à la vie, à l'homme tranquille. Ils sont venus mes capitaines, je les ai traversés au long cours. Le Dieu a fait de moi sa reine, avant de partir sans retour. Malgré les amis qui s'en vont, pour un ailleurs sûrement meilleur, les gens que j'aime à l'horizon, je les garde toujours dans mon cœur. Gitane du Nord et de la mer, fille des îles sous le vent, étoile d'une nuit éphémère, je chante ma vie à 100%. Gitane du Nord, je reviendrai danser sur les quais de mon île. Comme une femme, je chanterai l'hymne de la vie, l'âme tranquille. De brume et de tempête, quand le chagrin vous envahit, la voix de mon père en fait. Et je reprends goût à la vie. Alors avec les violons du diable, je trouve la force du chantier. Pour vous une gigue formidable qui me redonne l'envie d'aimer. Gitane du nord et de la mer, fille des îles sous le vent, étoile d'une nuit éphémère, je chante ma vie.